Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François G. Couillard. Aimable compagnie, charmante compagnie, affectueuse compagnie. Ce soir, nous allons écouter de la bonne musique. Spécial Raymond Lévesque ce soir. Le fameux auteur, poète québécois, nationaliste. J'avais le goût de faire ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais le goût. Et puis ça se peut aussi qu'on ait un peu de Anne-Marie Lozic. Et oui, Anne-Marie Lozic a déjà chanté. Et elle vient aujourd'hui de lancer son canal francophone. C'est un canal pour les adultes. C'est ça le terme, hein? C'est ça l'appellation d'origine contrôlée. Mais sinon, on commence tout de suite avec Raymond Lévesque. La pièce s'appelle « Les militants ». Celui qui a été de tous les combats, qui est toujours présent, pas rien que pour donner le spectacle, mais aussi pour le préparer. Un gars qui a mis 2 semaines de son temps à préparer avec nous l'automne show. Un gars que vous connaissez puis que vous aimez, qui chante les Québécois, Raymond Lévesque. Les militants ont des grandes idées. Ils rêvent de justice, ils veulent changer le monde. Les militants, ils travaillent pour rien, donnent leur force et leur temps pour aider leurs prochains. Les militants sont seuls dans le combat et se font critiquer par ceux qu'ils veulent aider. Les militants se retrouvent en prison sans cesse pourchassés et se font matraquer. Les militants ne doivent attendre rien, ni médaille, ni honneur, même pas un remerciement. Les militants doivent avoir le courage de se battre jusqu'au bout pour leur seul idéal. Les militants meurent incognito, souvent sous la torture, souvent assassinés. Les militants un jour en cherchera leur visage et leur nom, mais on ne trouvera rien. Au fond du chaos, il y a les nantis, la bourgeoisie, égoïste, sensu, mangeuse d'hommes, grande créatrice de la misère et de l'injustice. Au fond du chaos, il y a la politique et ses hommes, fourbes, serviles, petits chefs ambitieux, orgueilleux, à la conscience pleine de détours. Au fond du chaos, il y a la science au service de la guerre. Au fond du chaos, il y a les serviteurs de la foi, qui en ont fait un palace d'or où se sont rassemblées toutes les petitesses du monde entier. Je pense qu'on doit s'interroger sur toi. C'est un mouvement qui existe depuis 40 ans. Et quand je questionne ce mouvement-là, c'est parce que souvent on subordonne toutes les autres questions à cette indépendance à venir, toi. Mais ça fait 40 ans qu'on met ça de l'avant, toi. Et je me dis que, j'ai toujours pensé ça, que les problèmes sociaux La pauvreté, la misère, y compris la misère intellectuelle, c'est plus important que ça, que l'indépendance. L'indépendance, c'est un moyen. Mais peu à peu, dans le mouvement national, l'indépendance est devenue une fin, toi. Alors, et je cite, à mon avis, deux aberrations. La troisième, c'est Landry, dernièrement, pour les journalistes du Journal de Montréal, qui dit, je suis neutre, toi, comme si, tu respectes pas les lignes de piquetage, t'es pas neutre, tu choisis, comprends-tu? Alors, l'ALENA, toi, ou Bernard Landry vend l'ALENA à la population, toi, sans du tout prévoir qu'il fallait avoir des mécanismes pour protéger la langue française, la culture française. C'est Ottawa qui nous a défendu, toi. Oui. Tu peux lire ses discours, sont déjà publiés, jamais ils parlent de ça, comprends-tu? Ouvrons nos frontières économiques aux États-Unis, mais sans aucune le danger pour la culture de la langue française. Et moi, je pense que la culture américaine est beaucoup plus dangereuse pour la langue française, parce que les États-Unis dominent le monde, que le Canada anglais qui est pas très, très fort. Et deuxièmement, je veux dire, quand encore Landry, il est toujours là pour les mauvais coups, avec Bouchard, a fait imposer des déficits zéro, toi, un déficit zéro, dans laquelle on comptait, y compris les immobilisations, les 2 milliards d'immobilisations qu'on faisait dans l'année, qui n'avaient aucun bon sens, toi, et qui étaient, disons, pires que ce qu'avait prévu Parizeau, toi. Alors, quand, à un moment donné, au nom de la nation, tu sacrifies des problèmes socio-économiques fondamentaux, je me dis, non, j'arrête. Mesdames, Messieurs, avec ma camarade Denise Guénette, je vais vous présenter une chanson que je compose spécialement pour tous les travailleurs du Québec. Et je l'ai intitulé Solidarité. Travailleurs, vous avez tout contre vous. Vos patrons vous méprisent, vos exploiteurs. Les marchands vous volent et vous trompent. Les politiciens vous mentent, vous trahissent. Les forces de l'ordre protègent les puissants qui s'enrichissent sur votre dos. De vous. Les médecins vous abusent, les hommes de loi. Tous ceux qui, par leur science, provoquent, vous viendrez. Vous êtes les soldats et les payeurs. Vous êtes la ville, par vous rien ne se fait, et tout le monde vous trompe. Vous volent, vous exploitent. Il n'y a pour vous qu'un seul espoir, solidarité. Solidarité, solidarité. Au piano, oh là là là là là là, Raymond Lévesque, Raymond Lévesque! Poète québécois nationaliste, mais aussi très engagé socialement. Il nous racontait comme ça que tout le monde nous exploite, les politiciens, les docteurs, tout le monde. Et pour répondre à ça, c'est quoi qu'il faut faire? Solidarité, solidarité. Raymond Lévesque. Et juste avant, c'était Jean-Marc Piotte qui expliquait comme ça son désabusement par rapport au nationalisme. Et juste avant, c'était les militants de Raymond Lévesque. Les deux pièces de Raymond Lévesque, c'était tiré d'un album une compilation intitulée L'Automne Show. C'était un spectacle qui était enregistré, qui était en solidarité avec les travailleurs en lockout de la United Aircraft. Aujourd'hui, Pratt & Whitney. Donc une grosse, grosse shop, une shop qui fait beaucoup d'argent, mais qui est évidemment, bon, les patrons étant ce qu'ils sont, ils offrent pas toujours les meilleures conditions de travail à leurs employés. Alors, il y a eu un spectacle en solidarité avec les locataires. Il y avait Michel Chartrand qui intervenait entre chaque pièce. Si vous mettez la main là-dessus, l'automne show, c'est extrêmement intéressant pour l'histoire du Québec, l'histoire militante, l'histoire ouvrière. Et voilà. Donc, spécial Raymond Lévesque aujourd'hui au Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François Gécouillard. On va maintenant écouter une autre partie. C'est Raymond Lévesque qu'on entend chanter. C'est un poète, hein, c'est un auteur de chansons. Il y a souvent d'autres personnes qui ont chanté ses chansons. On va écouter ça un peu plus tard, des reprises, des interprétations par Pauline Julien. Mais là, pour l'instant, on va écouter quelque chose des poèmes de Raymond Lévesque. Un poème antimilitariste ici. Un poème qui va être... c'est un poème sur la guerre... on va commencer avant tout à écouter... Non. Un poème assez tranquille, assez gentil, humoristique, qui s'appelle « Québécoiserie ». Et après ça, il va y avoir un poème sur la guerre du Vietnam. Mais ça peut fitter aussi pour la guerre, n'importe quelle guerre, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, n'importe quoi. Toutes les guerres sont désespérément pareilles. Monsieur, bonsoir. Pour commencer, je vais vous dire un petit poème. Monologue. Sur une tradition, une vieille tradition québécoise, vous allez vous retrouver facilement, je pense. Et ça va comme ça. Je n'ai pas eu à courir loin, lorsque j'étais petit gamin, pour apprendre le rudiment du ciboire et du sacrement. Ça m'est venu naturellement, en écoutant sacrer mes frères, et déjà tout petit enfant, je pouvais pousser mon calvaire. Quand mes tantes venaient me voir, elles faisaient des guédis, guédis, guédis, guédis. Je leur lâchais deux, trois ciboires et les guédis, c'était fini. Faut dire que j'étais doué. Je pense qu'on m'aurait rien montré, que tout seul j'aurais trouvé, comment dire, ostipoqué. Quand le curé me confessait, je faisais semblant d'avoir le trac, mais aussitôt que je sortais, je lui lâchais un tabarnak. Il me pourchassait dans l'église, cherchant à me donner des claques et devenait rouge comme une cerise, oui, car il était cardiaque. Il s'arrêtait tout essoufflé, la main sur le cœur tout tremblant, et moi, pour le réconforter, je lui disais « Crève, vieux sacrement. » Plus tard, quand je me suis marié, j'ai essayé de me corriger, mais quand la chicane a poigné, le naturel a galopé. Et dans l'ambiance sympathique d'un beau ménage catholique, comme dans un divin message, je la traitais de Sainte Vierge. Si sacré, ce n'est pas très beau et nous barre avec le Très-Haut. Par contre, ça met du piquant dans le quotidien qui est achalant. Et ça nous aide à supporter mille et une contrariétés. Un sacrement ou un baptême, ça fait toute la différence. Ça ne règle pas le problème, mais on lui dit ce qu'on en pense. Et calisser un coup de poing, sacrer son camp, tabarnak. Mon, on dit que ça fait donc du bien. Ça soulage, ça vide le sac. Et que les Français sont malheureux de vivre aussi loin du bon Dieu. Toutes leurs phrases bien polies, ça ne vaudra jamais un nasty. Allons, allons, mesdames, messieurs. N'ayez pas peur, défoulez-vous, sacrez un peu, soyez heureux, ça vaut mieux que devenir fou. Et mon rêve le plus précieux, c'est de pouvoir vivre assez vieux pour voir après mille souffrances, un beau matin, l'indépendance, et tout le Québec crier bien fort, on les a eus, les Saint-Cyboins. Mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas montré sacré. Je vais vous dire maintenant, dans notre ordre d'idée, un poème sur la guerre du Vietnam. À ceux qui, à la guerre, torture, mitraille, bombardent la palme aveuglément, tuant femmes et enfants, sous prétexte de faire leur devoir, de servir leur patrie, je dis ceci. Rien ne peut nous détacher de nos actes. Nous sommes toujours responsables, individuellement, devant Dieu et devant les hommes. L'Église a trahi de n'avoir jamais condamné l'appel du chrétien sous les armes, d'avoir ménagé les puissants au détriment de la parole, d'avoir joué du péché à tout propos, sauf là où il le fallait, où cela aurait été si important. Elle avait comme mission de changer le monde, non pas de s'accorder avec l'argent, les puissances et la guerre. L'Église a trahi. Les militaires sont le déshonneur de l'humanité. Leurs aventures sanglantes, inutiles, n'ont rien apporté à l'homme. Et ne l'ont surtout pas anobli. L'histoire s'est trompée de leur faire un triomphe en chantant leur louange. Tous ces monuments rappelant leur massacre sont des tombeaux, des charniers où traînent la mémoire de ceux qui n'ont rien fait d'autre que de détruire la vie. La guerre n'est pas un métier, qui le croit n'a pas de conscience. L'homme est fait pour développer la richesse de l'existence, non pas pour semer la mort. La mort, c'est prendre soin d'elle quand le temps a usé son sort. Il n'a pas à mettre d'échelle. Il est la vie, doit la sauver. La guerre n'est pas un métier. Il n'y a ni tourment, ni mystère. Nul n'est tenu de servir la guerre. Merci, je vais terminer avec une chanson, vous pourrez peut-être chanter avec moi. C'est la chanson qui fait suite à Prendre un verre de bière au bilou. Et ça s'intitule Québec, mon pays. Vous pourrez chanter, vous allez voir le refrain. Le refrain la base virale VPS a été mise à jour. Voilà. Ça s'intitule Québec, mon pays, vous allez en chemin, on va la prendre. Quand j'étais en Colombie, en visite chez des amis, je voulais acheter un cadeau pour donner à ma Marco. Je fais le tour des magasins, cherchant quelque chose en castor. Mais comme parlent les Canadiens, partout on me sacre à dehors. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec qui est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec qui est mon pays. Quand j'étais en Alberta, où je vendais des sofas, je me suis intéressé aux Québécois immigrés. J'ai soupé chez des berniers qui m'ont raconté si bol que là-bas nos écoliers ont pas droit à leurs écoles. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. Quand j'étais en Saskatchewan, où je bâtissais des cabanes, j'ai rencontré une fille qui semblait simple et gentille. Je l'ai amenée à l'hôtel, j'ai descendu mes bretelles, elle est partie en courant, c'est pas de même au lac Saint-Jean. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. J'étais au Manitoba, à 40 comme soldat. Forcément, on s'entraînait, seulement rien qu'en anglais. Mais le soir à la cantine, devant une petite bière, si on parlait français, Colin, ça faisait toute une affaire. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. Quand j'étais en Ontario, oh, je coupais du boulot, je je travaillais aussi fort que les Anglais, les tabouères. Puis un jour, j'ai découvert que pour le même travail, moi, on me payait moins cher, on me traitait comme du bétail. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. Quand je suis revenu au foyer, j'ai ouvert la radio, j'ai entendu Claude Léveillé qui chantait dans un sanglot. Partout ça parlait français, partout le monde était fin, personne ne m'insultait. Maudit que je fis la paix. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. Bright Spark, de retour au Cercle Aquatique Magique. Petit bloc, encore une fois, consacré à Raymond Lévesque. C'est d'ailleurs l'artiste qui est honoré aujourd'hui au Cercle Aquatique Magique. Toujours en votre compagnie, François Gécouillard. La dernière pièce était Québec, mon pays. Une petite chanson humoristique comme ça. Encore une fois, une chanson nationaliste. Qui suivait le poème Commandant Tour, qui est une chanson, un poème antimilitariste. Peu importe la guerre, au début il dit c'est contre la guerre du Vietnam, mais en réalité c'est vraiment contre toutes les guerres. Hein. Chanson antimilitariste, voilà. Et le premier poème, c'était Québécoiserie, qui nous apprenait à sacrer comme ça. Humoristique aussi, très drôle. Plein d'esprit, ce cher Raymond Lévesque. Aujourd'hui, il doit être âgé de près de 84 ans. Et c'est la surdité qui l'a fait quitter la chanson en 1986. Ça fait quand même très longtemps que la chanson française québécoise est privée de cette voix-là. Quoi qu'il a sûrement continué à être l'auteur de certaines chansons depuis ce temps-là. Et les trois pièces que vous venez d'entendre sont tirées d'un album vinyle, de deux vinyles, qui s'appelle « Poèmes et chants de la Résistance ». C'est un album qui a été enregistré en 71, en live. C'est un grand spectacle qui avait lieu au Jésus. Je crois que c'est à Montréal. Et il y a plusieurs gens qui participent. Il y a des humoristes, des chanteurs. Et Raymond Lévesque, qui se démarque vraiment de tout le monde à cause de son monologue, justement, « Commandant Tour », donc son monologue « Contre la guerre ». En fait, pour ceux qui ont déjà écouté le double album, là, de poèmes et chants de la Résistance 2, je vous dirais que c'est vraiment Raymond Lévesque qui a le discours le plus cohérent, articulé et intéressant de la gang. Je suis désolé de le dire, là, mais j'aime bien Yvon Deschamps, là, mais Raymond Lévesque, c'est pas mal intéressant. Voilà. On va continuer à écouter encore un peu de Raymond Lévesque. On va écouter maintenant Pauline Julien qui interprète Raymond Lévesque. Raymond Lévesque, on le connaît bien, surtout pour sa chanson « Quand les hommes vivront d'amour », qui était une chanson que Raymond avait enregistrée en France. C'est une chanson spécifiquement sur la guerre d'Algérie. Et une autre de ses chansons bien connues, c'est « Bozo, les culottes ». Ses pantalons, de là lui venait son surnom, Bozo les culottes. Il y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bozo les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bozo les culottes. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, peaux ou les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, peaux ou les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trompé, peaux ou les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, peaux ou les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, peaux ou les culottes. Tout le pays s'est réveillé, puis la police l'a attrapé, peaux ou les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis 7 ans, peaux ou les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, peaux ou les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, peaux ou les culottes. Ils réclament enfin des droits que les autres ne refusent pas, peaux ou les culottes. De peur qu'il y en aurait d'autres comme toi, qu'aurait le goût de recommencer, peaux ou les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, peaux ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, peaux ou les culottes. La politique, c'est le moyen de transformer la société. Il faut l'investir, la politique, toi. Et il y a les grandes transformations de la Révolution tranquille, c'est des gens qui se sont investis dans la politique, dans le Parti libéral à ce moment-là, dans le Parti québécois pour changer des choses. Et je pense, là, le Québec solidaire, même si c'est tout petit, là, mais avec l'élection d'Amir Kadir, donne la possibilité à des gens qui veulent le changement de y mettre du temps, de l'énergie et du plaisir. Parce que quand tu te bats pour transformer des choses, ben, il y a du plaisir à la bataille, puis il y a du plaisir au gain que tu peux avoir. Un Chinois reste dans ma rue, vieux Chinois qui courbe les chines. On ne l'a pas très souvent vu, mais tout autour de sa maison, il y a un mur de Chine. Ce Chinois, c'est un Robinson. Sa maison, c'est son île. Il vit, il meurt à sa façon, à l'abri des petits polissons qui ne savent même pas ce que c'est que la Chine. Vieux Chinois, tu courbes le dos, tel est donc ton fardeau. Et c'est l'exil que tu portes sur ton dos. Soir et matin, mon vieux Chinois, quand il fait sa prière, est-ce que Monsieur Bouddha l'entend du plus profond de l'Orient, perdu dans ses chimères? La vie là-bas a bien changé, mais la Chine est la même, millénaire et désenchanté, inaccessible et tourmenté. Derrière sa muraille, vieux Chinois, tu te souviens de Nankin, de Pékin, de Canton, de Suzhou, de chez vous. Moi, je me souviens des petits Chinois à 25 sous la pièce. C'était petits enfants que j'achetais à ce prix-là, le cœur plein d'allégresse. Mais que sont-ils donc devenus dans leur terre lointaine, ces enfants qui marchent pieds nus la longue marche du salut avec Mao en tête. Un Chinois dans ma rue envoie le bonjour à Mao. jamais vu la Chine, mais je me l'imagine dans les vers de Mao Tse-tung, comme ces femmes arbres et fleurs, à travers brumes et bruines. Quant aux Chinois, moi j'ai le mien dans ma rue bien tranquille, un Chinois qui va et qui vient à petits pas soir et matin, comme on le fait en Chine. Mais il reste l'étranger dans un décor empesé, les yeux mi-clos pour mieux rêver à la Chine. Toujours dans le spécial Raymond Lévesque, cette fois-ci, Pauline Julien interprète Raymond Lévesque. Et elle nous chantait Le Chinois et Bozo les culottes. Et c'était entrecoupé d'un extrait de Jean-Marc Piotte à l'émission Les Publications Universitaires qui disait qu'il faut s'investir en politique. Et je suis d'accord avec ça, quoique lui il proposerait d'un parti en particulier, là, mais bon, moi personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. Et moi, j'ai passé Le Chinois. C'est pas nécessairement la meilleure pièce de Raymond Lévesque. Mais ça m'intrigue toujours, cette chanson-là, parce que c'est une chanson, en quelque sorte, en hommage à Mao Tse-tung. Ce qui m'a toujours fait dire, probablement, que Raymond Lévesque, il avait un côté marxiste, maoïste, là, quelque chose du genre. Mais j'ai jamais pu le prouver. Et la pièce Bozo les culottes, jamais mieux chantée que par Pauline Julien. Parce que Bozo les culottes, pour les gens qui prennent un tant soit peu attention aux paroles, c'est clairement une chanson en appui au FLQ. Et Pauline Julien faisait partie d'un groupe. À chaque fois que je fais passer du Pauline Julien, il faut toujours que je le rappelle parce qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Il s'est écrit nulle part. Elle faisait partie d'un groupe de défense des droits des prisonniers politiques. Prisonniers politiques qui étaient Charles Gagnon et Pierre Vallière, leaders idéologiques du FLQ. Et c'était vraiment un groupe révolutionnaire, c'était pas une bande de militants du Parti québécois, ça avait absolument rien à voir, c'était des gens qui prônaient la révolution. Donc c'était des gens beaucoup plus avancés, beaucoup plus radicaux que les petits nationalistes de l'époque. Donc Pauline Julien, Bozo les culottes, j'aimais mieux chanter que par elle-même. Et quoi d'autre? On n'a pas fini encore le bloc Raymond Lévesque, maintenant on va écouter sa fille Raymond Lévesque. Elle s'appelle Marie Marine, c'est ça son nom d'artiste. Et elle a sorti un album assez intéressant. Elle reprend quelques pièces de son papa. On va écouter en premier lieu, pourquoi pas, Maudite cassette. Vous écoutez CKIA 88.3 pour me parler, 529-9026 ou sinon, François Gécouillard, je suis sur Facebook. Ça me roule dans la tête et ça me détruit. Non, on dirait que ça va continuer toute la nuit. C'est pas toujours le bon numéro. On a roulé jusqu'à zéro. Cassette numéro 4, quand t'es rendu à 4 pattes pis que t'en peux plus, c'est plus la peine. Elle recule plus. Éject! Thank you. dans les conflits sont high-tech, c'est même numérisé. Une puce bien rentrée, je me gratte au bout de mon sang. Quand c'est parti, ça fait du bruit. C'est garanti, c'est pour la vie. Ça me roule dans la tête et ça me poursuit. On dirait que ça va continuer encore aujourd'hui. Non, non, non, non. C'est pas toujours numéro un. Mais il y a des jours où t'es quelqu'un. Cassette numéro 3, c'est dans ta voix. Mais qui est là? La commande ne fonctionne plus. J'ai des sous-titres qui me rentrent dessus. Eject! Ow! Pause. Enfin la vie, les petits oiseaux. La prose s'adose au fond des veines. L'air s'adoucit, j'ai plus de peine. Encore une fois, sans l'avoir choisi, une émotion bien établie se préoccupe de ta folie. Elle veut sortir, elle aime s'enfuir de sa prison où les murs sont de carton. Piot, question, là, vous n'en parlez pas beaucoup dans votre livre, mais quand même, vous abordez la question. Vous parlez de l'omniprésence ou de l'hégémonie du divertissement dans la société. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on donne autant de place au divertissement dans le milieu culturel? Pas ça pogne, toi. Je pense que malgré ce qu'on en dit, c'est que les gens travaillent de plus en plus fort et intensivement. C'est-à-dire qu'on dit, bon, tu sais, la moyenne d'heures de travail par semaine, c'est 40 heures, toi. Mais souvent, les gens, ça, c'est la première job, ils vont à une deuxième job, tu sais. Puis le temps que tu consacres aussi au travail est de plus en plus intensif. C'est-à-dire, on fait en sorte que dans une heure, tu vas travailler à plein courant une heure. Alors, quand tu sors de là, t'es complètement épuisé, comprends-tu? T'es épuisé. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'écraser, prendre une bière, puis regarder la télé. Puis regarder la télé, pas regarder une émission d'affaires publiques qui va te faire encore penser, toi. Alors, je sais pas, une émission, tu sais, qui te fera pas penser. Par exemple, TVA, tu sais, je sais pas, moi, là, n'importe quelle niaiserie, là, que j'aime pas tellement. Alors, pour te faire oublier que tu perds ta vie en la gagnant, comprends-tu? Thank you. Marie-Marine, fille de Raymond Lévesque. Et c'est fini pour la spéciale Raymond Lévesque du Cirque Aquatique Magique. Maintenant, on va se diriger vers d'autres choses. Mais notons quand même le propos virulent de Marie-Marine. Avec des pièces qui ont l'air aussi... inoffensives que les Ménés. Et maudite cassette... Il y avait quand même un propos sous-jacent à ces chansons-là, un propos certain. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai pas la moindre idée. 529-90-26, si vous en avez une idée. Et puis, entre les deux, on a encore entendu ce maudit Jean-Marc Piotte qui parlait de l'omniprésence du divertissement. Dans ce cas-là, je suis vraiment d'accord avec lui. Et d'ailleurs, cette émission n'est pas que du divertissement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais François Gicouillard, il vous offre justement des commentaires de toutes sortes de commentateurs. Peut-être que cette émission-là va vous faire pleurer, va vous faire rire, va vous faire jouir, qui sait. D'ailleurs, on va écouter Anne-Marie Lozic, qui vient de lancer aujourd'hui une chaîne Osée, chaîne francophone canadienne. Et oui, malheureusement, Anne-Marie Lozic a déjà fait de la chanson. Alors... tu veux ou tu veux pas? Nous, on veut pas! Alors, tu veux ou tu veux pas? Mais ça ne pose pas du tout! Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, et si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas. Yeah. Mérite d'un cul rond. Le plus grand bonheur en ce monde, à mon avis, est celui de trouver une femme qui ait le cul rond. Un cul fait comme une map monde vaut son pesant d'or. Et lorsqu'il est possible de le foutre, il n'est rien qui puisse lui être comparé. Il fait les délices des cardinaux, et les moines sont bien malheureux quand ils en sont privés. Je braverais tout pour foutre un cul ayant cette forme. Et le diable lui-même ne me ferait pas peur. Je me lève ce matin, il fait beau, je suis content. Les oiseaux swingent dans le firmament. Je suis heureux, c'est certain, le ciel est bleu, le soleil est plein. Dans ma tête, il y a comme un gros coup de vent. Ma voisine sort de son lit, encore plus grosse que je pensais. Puis elle crie, Thérèse, viens ici, elle va me chercher une peine de là. Les arbres se mettent à s'étirer, j'hallucine, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va dans mon café? De quelle flèche suis-je la cible? Quel miracle, toi, s'envole dans un essaim de couleurs. Tout en haut passent les vidangeurs. Sur un camion plein de banderoles, Thérèse rit comme une vraie folle. Et puis moi, je ris avec de bon cœur. Je viens pour traverser la rue, pour acheter mon journal. Je passe carrément au-dessus, je me dis rien de plus normal. On garde les mauvaises nouvelles, les angoisses puis les discours. Je m'assois dans une poubelle qui passe au-dessus de ma cour. Thérèse retrousse son jupon, un clin d'œil entre les cuisses, pour venir me rejoindre dans mon oasis. Sur un fond d'accordéon, un aveugle vagabond fait visiter le ciel aux touristes. Ah, j'suis pas tassé de mescaline, coke, mushroom, aspirine, prince Arthur. Puis arrivent les estropiés, les pieds beaux, les cul-de-jatte. Tout le monde se met à danser sur ce qui lui reste de part. Et le bon vieux qui est le plus sage, comme un bon impresario. Ben assis sur son nuage, n'avouez que 20% du show. Thérèse pis moi, on s'en fout, le bon vieux peut regarder ailleurs. On veut donc rien savoir des voyeurs. Dans notre petite cachette à nous, pas besoin de projecteur, ni de metteur en scène, ni de spectateur. L'éternité a des ailes qui nous font faire des petits tours, qui font voler les poubelles, qui font voler les amours. C'est un printemps tout joyeux qui éclate dans toute sa jeunesse, qui arrête de se prendre au sérieux pour venir nous montrer ses fesses. Sur ma rue, que je perds la tête, que je perds la tête. Il y a tellement de belles filles sur ma rue que je perds la tête, puis je vois juste du. Oh, dans ta face, oh, que je perds. Je m'amuse quand je t'ai vu dans la splendeur du bébé. Thérèse, m'a-tu maudit, alors tu m'appelles d'aller? Je suis en moi comme un volcan. Au printemps, la nature se dégèle, ça pousse. Les tiges relèvent. C'est Vermont. Les bourgeons gonflent. Les pétales s'entrouvent. Maudite concupiscence. Et oui, un petit bloc comme ça, pourquoi pas. Anne-Marie Lozic, tu veux ou tu veux pas? C'était un petit peu troublant, ça. Mais on lui souhaite bonne chance quand même pour son beau canal adulte à la TV. Et d'ailleurs, il y a Blaise qui faisait la remarque avec l'Internet. On n'est pas sûr si ça va marcher. En tout cas. Et on a entendu aussi Plume la Traverse, Le souffle du Yab. Je trouvais que c'est une belle chanson, puis... Ça me tentait de la faire jouer. Eh oui, oui, oui. Puis on a entendu un beau poème sur le cul. Un poème de cul. Ça, on peut vraiment appeler ça comme ça, sans aucun problème. Et là, il reste encore 10 minutes, et j'ai plus rien à vous offrir, alors j'avais envie de... Pourquoi pas... vous offrir une petite variété. South of the Border, un vinyle que j'ai trouvé dans un bac de recyclage dans un endroit où ils vendent du linge usagé. Et ça s'appelle Organ and Bongos de Eddie Osborne, qui était connu comme le ménestrel combattant et volant parce qu'il a déjà fait la guerre. Oh oui, comme aviateur. Et au Cirque Aquatique Magique, où on s'autorise à faire des petites fantaisies comme ça, on va faire un petit mix religieux. Religion. Autrefois, autrefois et aujourd'hui, dans notre milieu. Qu'est-ce qui tient vraiment de l'Évangile? Je crois que oui! Et qu'est-ce qui tient du fait que cette foi, cet Évangile, ont été vécus au Québec, dans un milieu de chrétienté, dans une société traditionnelle? Si on arrivait à bien distinguer les deux, on pourrait peut-être trouver la meilleure manière adaptée à notre époque, à notre milieu d'aujourd'hui, de vivre l'Évangile et la foi. Vivre l'Évangile et la foi. Vivre l'Évangile et la foi. L'Évangile et la foi. Et on trouverait sans doute ainsi une solution à la crise de la foi. Dans la société d'hier, par exemple, la foi était une valeur sûre et certaine. Tout le monde avait la foi. On la recevait en héritage. De la foi. Avec l'abbé Yves Condé. Sa culture et ses traditions. Elle se manifestait dans une pratique religieuse généralisée. Yves Côté. Et elle suscitait chez les curés, chez les pasteurs, une pastorale. La préoccupation majeure était d'empêcher de sortir de la foi. Directeur des études à l'Institut de pastorale. Cette unanimité, cette certitude avait certes leur grandeur. Hey, c'était ça, c'est bon ça. Et que oui, c'était bon. Pour vous décrire un peu la pochette. Bon, vous allez me dire, des disques religieux comme ça, il y en a tout le temps plein dans les bacs de recyclage. C'est pas mal toujours la même chose. Là, il y a un bonhomme avec des espèces de lunettes Ray-Ban. Lui, c'est un hipster des années 30. Lui. On le reconnaît à ses lunettes Ray-Ban. Et là, il est assis, il a une cigarette dans les mains. Et donc, c'est, apparemment, c'est un religieux. Qu'est-ce que c'est marqué derrière? Assistons-nous à une crise de la foi dans notre milieu? S'inscrit-elle dans une crise générale au milieu de lui-même? D'où proviendrait cet état de crise? Comment faire face à une crise? On dirait quasiment un album de préparation à la crise économique. le bureau d'exploration aléatoire. Comme à chaque semaine, je prends un vinyle qui se trouve dans le studio de CKIA et on découvre un groupe ensemble. Cette semaine, le groupe s'appelle Sortilège Métamorphose. L'album est bleu, rouge, jaune, fluo. Il y a un sorcier avec un monstre géant dans l'écran qui vole dans le ciel. Et avoir la face des gens, des musiciens qui sont posés dans la face B de l'album, ça risque d'être un peu épeurant. Ils sont tous habillés en cuir. Toujours en mono. La chanson titre s'appelle D'ailleurs. Lorsqu'il parvient au sommet de sa raison, devient un génie. Mais les dieux, lorsqu'ils aiment l'humain et le favorisent, mettent en lui le divine, qui est bien supérieur au génie. We are ready. We have safety rules that car drivers and people who are walking obey. Now, we must be ready for a new game, the atomic bomb. Hey boy, ça rockait ça! C'était quoi le groupe? Sortilège, si je ne m'abuse, là, à moins que ce soit le nom de l'album. Difficile à dire. Et voilà, c'était tout pour le Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François Gécouillard. Vous pouvez réécouter toutes les émissions, dont celle-ci, sur jeunefou.blogspot.com. C'était un immense plaisir pour moi de vous accompagner. Et on se dit... à la semaine prochaine.